Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte aujourd'hui sur Fadjet d'une association que beaucoup connaissent sans forcément le savoir. Ça s'appelle le Mur Nancy. Et pour nous en parler, eh bien, nous accueillons en studio Julien et Thomas. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi Loris en studio. Bonjour Loris, qui assiste à l'enregistrement et qui aura peut-être aussi quelques questions à vous poser. Depuis quand ça existe le Mur Nancy ? Alors, on a créé l'association en 2015. Avec trois passionnés d'art urbain. Vous y êtes, vous, Julien, depuis le début ? Depuis le début, oui. Je suis membre fondateur de l'asso. Et Thomas, qui a rejoint l'aventure quand alors ? Moi, je suis président de cette association depuis une année. 2015, à Nancy, mais l'histoire du mur, ça a commencé un peu avant aussi, c'était à Paris ? Ça a commencé 10 ans avant à Paris. Voilà, ouais. Le mur Oberkampf a été créé en 2005. Alors c'est quoi le concept du mur, tout simplement ? Le concept, c'est de faire la promotion de l'art urbain. À la base, en tout cas à Paris, la création du mur vient de Tom Tom, l'artiste qui investissait deux panneaux de pub, mais de manière illégale. Et avec l'aide de Jean Faucheur, qui avait vu ces interventions illégales, ils ont officialisé le concept en ayant l'autorisation de peindre ces murs et puis d'inviter tous les 15 jours, en ce qui les concerne, des artistes d'art urbain. À Nancy, c'était 10 mois par an jusqu'à cette année, mais on va passer à 7 mois par an. Oui, donc là jusqu'en septembre, on peut avoir le plaisir de voir l'œuvre de Rouge Hartley. On va y revenir après sur les offres et les artistes que vous avez pu recevoir. Toujours sur la création de l'association, justement pourquoi avoir lancé cette association sur la Cité du Quai ? Alors il y avait pas mal d'associations semblables à celle de Oberkampf qui s'étaient créées dans d'autres villes en France. Et voilà, à Nancy, on trouvait que c'était pertinent d'avoir ce type de projet, puisque l'art urbain était en pleine effervescence. En 2015, ça bougeait beaucoup à Nancy. Il y avait pas mal d'artistes qui créaient du collage, du pochoir, de la mosaïque et évidemment du graffiti. Et même avant ça, depuis les années 80 à Nancy, il y a quand même une scène graffiti qui est quand même assez présente. Voilà, et puis c'est vrai que un changement de mairie a permis aussi d'ouvrir un petit peu les portes de cet univers-là. Et à partir de là, il y a pas mal de choses un peu plus cadrées et officielles qui se sont passées à Nancy. C'est vous qui avez proposé le lieu aujourd'hui qui est près de la place Charles III ? Ça a été une recherche en commun avec la ville de Nancy, à qui on avait soumis le projet. Et on a fait pas mal le tour de la ville pour trouver l'endroit idéal. Puisque voilà, on avait quelques demandes aussi de notre côté, et puis on pouvait évidemment pas faire ça n'importe où, donc il y a eu une bonne année de recherche d'un mur. Une fois que le mur est trouvé, il faut y mettre quelque chose dessus. Tout de suite, vous êtes allé chercher des artistes d'autres régions, ou de la grande région d'ailleurs. Alors dans les premières années, dans notre création du projet, on tenait à avoir un mois sur deux des artistes locaux. On a tenu comme ça pendant 4 ans, je dirais, et on avait 50% d'artistes lorrains. Après quoi, on a dû diminuer un petit peu le quota d'artistes locaux, puisque, étant donné qu'on varie aussi les styles graphiques, on pouvait plus trop tenir à ce rythme-là. Si je peux me permettre, historiquement, avant que le mur ne voie le jour, Julien était déjà très très impliqué dans le street art et avait déjà rédigé 2 ouvrages sur le street art en Meurthe-et-Moselle. Il avait déjà rencontré, il avait déjà dans son panier une connaissance de street artiste et de graffeur assez, assez large au niveau local. Au niveau local, oui. Et le premier artiste alors, c'était qui ? Alors c'était Alex Wan, qui est un artiste de renommée international, qui a d'ailleurs fait une expo magnifique à Poirel l'année dernière, si je dis pas de bêtises. On était honorés de l'avoir pour notre inauguration. Et comment ça a été reçu par le public les premières fois ? Vous avez eu des retours assez vite ? Alors en fait, on a les retours du public, c'est pendant les créations, puisque c'est en live, ouais. Donc place Charles III. Et voilà, les plus vives réactions qu'on a, et celles qu'on aime le plus, c'est celles des gens qui passent, qui s'attendent pas à voir ça et qui parfois ont des super réactions, parfois des réactions négatives, et on les aime bien aussi. Notre but, c'était d'être en plein centre-ville, un petit peu comme le but de tous les murs en France, pour justement importer, on va dire, ce type de pratique, plutôt que de laisser ça sur les friches ou les terrains vagues. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a voilà, des gens qui passent pour aller faire leurs courses, pour aller acheter des vêtements ou quoi, et qui sont pas du tout dans cette ambiance-là et qui se retrouvent avec un artiste en train de créer. Donc les réactions sont très spontanées. Le street art a une dimension assez fourre-tout, où on va retrouver des artistes qui vont être très doux, d'autres qui vont être plus agressifs, des gens qui font des lettrages, des gens qui font des choses qui sont très consensuelles, d'autres qui font des choses qui sont plus interrogatives, du figuratif, du non-figuratif. Et du coup, il y a des choses qui parlent à certains et pas à d'autres. Et c'est très mixte, donc on arrive quand même à avoir des retours très très différents. Ouais, et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins populaires, justement, comme le lettrage. Mais il me semble qu'on commence à avoir des réactions de personnes très néophytes et très positives sur le lettrage aussi. Et ça nous fait très plaisir parce que c'est moins facile d'accès, mais ça permet que certains voient le travail que ça représente. Donc ça, on aime bien les réactions positives sur ça. Ça fait évoluer aussi les idées reçues parfois sur le travail même de street art, exactement, du public. Oui. Parce que voilà, ils voient bien que... Un artiste qui fait du tag ou du graffiti, pas forcément le stéréotype du graffeur vandale qu'on connaît, quoi. Et aujourd'hui, le street artiste n'est pas du tout le même que celui qu'il était au milieu des années 80. La dimension rebelle est quand même bien moins perceptible. Elle existe encore, mais c'est vrai que c'est pas forcément une chose qu'on montre sur notre support, quoi, puisque c'est cadré, c'est légal, c'est rémunéré. Donc voilà, il n'y a pas ce côté vandale, quoi. Depuis Alex One et 2015, vous avez accueilli combien d'artistes ? L'œuvre actuelle est la 76e œuvre. 76e œuvre. On commence à avoir eu un petit peu de monde. Alors, bon, parler maintenant peut-être de cet artiste, justement, c'est Rouge Hartley, hein, qui est, on peut voir son travail jusqu'au 16 septembre. Voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus facile d'accès, oui, effectivement. C'est le mur qui restera tout l'été. C'est pas mal d'avoir des fois des choses qui plaisent un petit peu plus à tout le monde. Et en même temps, il y a quand même un engagement assez fort dans son image. Enfin, j'invite vraiment les gens à aller la voir parce que on est vraiment sur, c'est très figuratif. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans l'image qu'elle propose. Je ne vais pas la décrire ici, mais oui. C'est vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut inviter les auditeurs, bien sûr, à se rendre place Charles III, mais aussi sur le site du Mur Nancy, où on voit tout ce qui a été fait. On peut même savoir un peu ce qui va venir après, mais ça, on en reviendra après. Et donc, ça a été inauguré le 17 juin, en présence aussi de l'artiste. Et là aussi, il y a toujours des échanges avec pendant son travail, avec le public qui passe. Ils sont toujours très accessibles aussi, on peut échanger avec eux. Il y a une inauguration à chaque fois à la fin de la création, mais effectivement, comme je disais, le plus intéressant, c'est pendant la création, les échanges avec l'artiste sont très sympas. Et sur le choix de ce qui va être produit, justement, vous avez un regard dessus ou ils ont carte blanche ? Ils ont carte blanche, on impose rien. Toujours ? Ça, c'est une règle pour vous ? Oui, parce qu'on souhaite que les artistes se sentent libres de pratiquer leur art sans qu'on leur oppose quoi que ce soit. Le seul choix qu'on pose, c'est celui des artistes qu'on invite. Oui. Effectivement, on reçoit beaucoup de demandes et au niveau de l'association, on se réunit en comité pour décider de qui seront les 7 artistes qui vont être à qui on va proposer de venir sur la programmation de l'année. Vous avez déjà une idée précise de qui vous souhaiteriez accueillir sur Nancy ou vraiment c'est selon les propositions que vous recevez ? On essaie de répondre aux propositions qu'on reçoit le plus possible. Alors je dis on essaie parce qu'on a en fait tellement d'artistes déjà en tête qu'on souhaite inviter que la liste est déjà très longue et qu'on pourrait tenir pas mal d'années avec les artistes qu'on connaît, qu'on a découvert il y a plus ou moins longtemps et qu'on souhaite inviter. Et on varie autant que possible les styles, ce qui fait que certains artistes interviendront dans plus longtemps que d'autres. Effectivement, on a beaucoup de demandes sur les réseaux, par mail ou de vive voix, et on souhaite quand même répondre un maximum. Et c'est vrai que 7 artistes par an, ça laisse pas non plus une place c'est énorme. C'est sûr, c'est un peu frustrant même de pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Ça peut être un petit peu frustrant, mais le jour où l'artiste intervient, on est d'autant plus content de l'avoir enfin, puisque ça fait des années qu'on attendait ça. Loris, est-ce que tu as une question peut-être ? Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir d'autres murs sur Nancy, ou vous voulez vraiment avoir un seul mur pour les artistes ? Alors on nous pose souvent la question, on trouve que d'autres murs, ça serait très chouette, mais on ne connaît pas de cas, à part à Paris évidemment, de plusieurs murs dans une même ville. Mais on serait tout à fait ouvert, mais par contre, ce ne serait pas nous qui gérerions, puisque là, c'est déjà énormément de temps. Ouais, on reste une association qui fonctionne plutôt avec des bénévoles. Et c'est vrai que c'est une grosse énergie qui est demandée à Julien d'intervenir sur toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ça serait très pertinent d'avoir effectivement d'autres murs, peut-être plus sur des formes d'émergence. On a comme des artistes qui sont plutôt reconnus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes émergents qui demandent à venir, et il pourrait y avoir plus d'espace dédié à cette forme-là, quoi. Oui, voilà, qui s'appellerait pas forcément le mur, mais qui pourrait avoir d'autres noms. Mais oui, justement, comme on disait, on a beaucoup de mal à faire intervenir tout le monde. Donc, d'autres espaces, ça serait intéressant. Pour l'association, en dehors du mur justement, vous êtes amené aussi au cours de l'année à proposer, à participer à d'autres actions plus ponctuelles, celle-ci ? Alors, on participe pas mal à l'élaboration d'œuvres pérennes depuis la création de l'asso. On est intervenu avec Jace à l'hôpital central, avec Koga, boulevard Lobo. Enfin voilà, on commence à avoir une petite dizaine d'interventions de murs qui resteront. Et puis, on peut faire des événements ponctuels aussi, en partenariat avec le Ballet de Lorraine, notamment. Mmh. On a un à deux événements par an avec eux. On a travaillé en partenariat avec pas mal d'institutions pour des événements plus courts, d'une soirée. On peut parler maintenant peut-être de ce qui arrivera après le mois de septembre. Donc là, on en profite hein, jusqu'au 16 septembre d'aller voir l'œuvre de Rouge Hartley. Mais après, on va changer de style, hein, je crois. On va complètement changer de style, totalement, puisqu'on invite Disney Lexia, qui est un artiste chilien qui vit en Espagne. Donc ce sera le 15 septembre, l'inauguration. Il travaillera durant 3 jours en live. Oui. Et c'est un style effectivement totalement différent. On est plus dans, on va dire, une iconographie sud-américaine du travail, comment on peut appeler ça, presque figuratif abstrait. Donc une gestion totalement différente de la manière de travailler et puis un visuel totalement différent. Alors quand je disais oui jusqu'au 16 septembre pour Rouge Hartley, en fait il faut en profiter avant parce que l'artiste suivant, vous l'avez dit, pendant 3 jours, le temps de travail justement pour faire ses œuvres, ça varie je suppose d'un artiste à l'autre. Alors, à la base, ça devrait être un jour. C'est vrai. Ouais. Mais voilà, on ne peut pas demander à Rouge Hartley ou Disney Lexia de travailler un jour pour un résultat comme on a là. Rouge a fait déjà le gros effort de travailler 3 jours. Il faut quand même le noter que cette œuvre, si des personnes vont la voir, il faut noter que ça a été fait en 3 jours. On essaye de demander un petit peu aux artistes de faire le plus court possible, puisqu'encore une fois, on est bénévole et puis on est sur place. Mais effectivement, l'inauguration sera le 15 septembre, mais on effacera l'œuvre de Rouge Hartley le 12 septembre, la veille de l'arrivée du prochain artiste. Non, je profite pour dire que justement, à partir de, pour les gens qui connaissent déjà l'association, les vernissages dorénavant, à partir de la rentrée, auront lieu le vendredi vers 18h. Voilà. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, puisque actuellement, depuis 7 ans, les vernissages ont toujours lieu les samedis. On a décidé de changer de formule parce qu'effectivement, le samedi, on avait du mal à avoir beaucoup de présence, beaucoup de gens n'étaient pas disponibles. Du coup, on a changé cette forme. Donc, dorénavant, à partir de la rentrée, les rendez-vous auront lieu le troisième vendredi de chaque mois à 18h. Donc, on prend note de cette révolution. On n'hésite pas à vous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le site internet aussi du Mur Nancy. Vous avez des projets, des envies peut-être un peu folles. Si vous aviez beaucoup de temps aujourd'hui à consacrer à l'association, de développer encore plus cette approche, vous y avez déjà pensé ? Pour ce qui concerne notre mur Place Charles III, je trouve qu'on a un rythme très sympa et que voilà, on restera comme ça. On diminue même un petit peu la quantité d'artistes pour pouvoir se concentrer un petit peu plus sur chaque mur et avoir un peu plus d'énergie à consacrer à chaque. Je sais pas, parfois on peut avoir des discussions avec des collègues d'événements annuels ou de choses comme ça, mais ça reste vraiment du projet assez lointain pour l'instant. Loris, une dernière question peut-être ? Ouais, si on veut vous aider, les auditeurs qui nous écoutent, si on veut donner un coup de main à l'asso, est-ce qu'il y a un moyen ? Alors, on est à la recherche d'adhérents, ça on peut en parler, on a un système d'adhésion trouvable sur notre site, sur lemurnancy.fr, vous pouvez cliquer sur adhérer, et puis ça on est toujours preneur. Maintenant, c'est pas évident en termes de bénévolat pour nous de gérer, puisque on gère vraiment tout au cas par cas. C'est pas comme un événement annuel, un festival où on sait exactement ce qui va se passer, où on peut monter des équipes. Donc si la question concerne le bénévolat, on essaye d'avancer un petit peu à ce niveau-là, mais à tâtons un peu. En tout cas, les gens peuvent déjà relayer tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On a aussi une boutique qui nous permet de vendre des œuvres d'artistes, des impressions, des sérigraphies, ce genre de choses. Voilà, c'est shop.lemurnancy.fr. Voilà, une belle manière de soutenir l'association, en tout cas, Le Mur Nancy. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.